Voici l'actualité sociale du mois. Prévention des accidents du travail dans les TPE-PME. L'assurance maladie propose jusqu'en juillet 2017 un bouquet de 12 aides financières destinées aux entreprises de moins de 50 salariés pour prévenir les accidents du travail et maladies professionnelles dans divers secteurs d'activité. Il peut donc être opportun de consulter votre CNAMTS, la directe, ou le site du ministère du Travail pour connaître les détails de cet accompagnement.